إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Nous voici réunis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour notre deuxième assise concernant l'étude du livre Les Six Fondements du noble Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous sommes arrivés, après avoir lu l'introduction, puis le premier fondement cité par l'auteur, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son inverse, qui est le shirk, et le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé cela dans son noble livre, de manière claire et explicite. Et qu'après tout cela, un grand nombre de gens, parmi les enfants d'Adam, se sont quand même égarés quant à ce fondement et vont quand même se diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans certains de leurs actes d'adoration, comme ceux qui vont invoquer les morts, leur demander secours ou aide, ou ceux qui vont demander à des personnes vivantes ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder, comme la subsistance ou bien une descendance ou autre, alors que tout cela est formellement interdit et va à l'encontre même de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens des versets, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et certes, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est acceptée que si elle est vouée à lui seul subhanahu wa ta'ala. Alors, quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala tout en adorant autre que lui, à certains moments, n'aura pas accompli la raison pour laquelle il a été créé. Et son état ne sera guère meilleur que ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi le peuple de Quraysh. Ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront certes c'est Allah. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à leur sujet وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ et ils ne sortiront absolument pas de l'enfer. Cela, car le but de l'envoi des messagers n'est pas seulement le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de l'adorer lui seul, en délaissant tout ce qui est adoré en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur rahimahullah nous a aussi cité, dans le premier fondement, une des causes qui a mené à ce que malgré la clarté de ce point, et malgré le grand nombre de preuves à son sujet, que malgré cela, un grand nombre de gens tombent quand même dans l'égarement. Cette cause qui était citée était premièrement la propagation de l'ignorance au sein de ces gens. Et deuxièmement, une des ruses de Shaytan qui consiste à recouvrir le faux de par l'habit du vrai, et à recouvrir le vrai de par l'habit du faux. C'est-à-dire qu'il incite les gens à tomber dans le shirk, qui est le faux, en le recouvrant de par l'habit du vrai. C'est-à-dire en appelant cela l'amour des personnes vertueuses ou bien une forme de suivi des personnes vertueuses. Et à l'inverse, il éloigne les gens du vrai, qui est le tawhid, par l'habit du faux, qui est le fait de faire passer cela, de faire passer le tawhid, le fait de n'adorer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant un rabaissement et un manquement quant aux droits des personnes vertueuses. Et tout cela incitait le croyant à donner de l'importance à la science et permettre au lecteur de savoir une règle importante qui est citée par les gens de science, rahimahumullah. Cette règle est de savoir que ce qui compte est la réalité des choses, et non pas le nom que l'on peut leur donner. Donc ici, Shaytan fait passer le vrai qui est le tawhid comme étant un manquement quant aux droits des personnes vertueuses ou bien un rabaissement. Et à l'inverse, il fait passer le shirk qui est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et à propos duquel il a interdit à son auteur l'entrée au paradis comme étant un amour pour les personnes vertueuses. Donc, le croyant sait que ce qui compte est la réalité des choses et non pas le nom que l'on peut leur donner. Et il ne peut savoir cela qu'à travers l'apprentissage de la science religieuse. Ensuite, l'auteur rahimahullah passe au deuxième fondement, qui consiste à se réunir dans la religion et à délaisser toute forme de division. Puis il nous cite le troisième fondement qui vient compléter le deuxième, qui consiste à obéir à ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans, au gouverneur parmi les musulmans. Donc l'auteur rahimahullah nous dit: le deuxième fondement est qu'Allah a ordonné de se réunir dans la religion et a interdit la division dans la religion. Et il a expliqué cela d'une manière claire et suffisante qui peut être compris par le commun des gens. Et il nous a interdit de faire comme ceux qui se sont divisés et ont divergé dans leur religion avant nous, ce qui les a amenés à la perdition. Et parmi ce qui vient augmenter la clarté de ce point, ce qui a été rapporté dans la sunna comme chose étonnante à ce sujet. Et par la suite, l'appel à la division dans les fondements et les branches de la religion fut considéré comme la réelle science et la compréhension de la religion, à tel point où toute personne appelant au regroupement dans la religion fut considérée comme hypocrite ou folle. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc l'auteur rahimahullah nous cite dans ce deuxième fondement un des fondements d'une grande importance, qui est l'union dans la religion et le délaissement de la division. Et comme cité par l'auteur, ce fondement a été détaillé et expliqué de manière claire par Allah subhanahu wa ta'ala et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons donc parmi ces preuves la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Sourate Ali Imran, verset numéro 103. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset: voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous divisent de sa voie. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset numéro 153. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset: établissez la religion et n'en faites point un sujet de division. Surat Ash-Shura, verset numéro 13. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala: ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves leur soient parvenues. Ceux-là auront un châtiment immense. Surat Ali Imran, verset numéro 105. Donc cela est bien l'autre preuve tirée du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous réunir et nous interdit la division dans la religion. Cela étant dit, il est important de savoir plusieurs points concernant l'union, la division et la divergence dans la religion. Les gens de science, rahimahumullah, citent premièrement qu'il est important de savoir que ce qui est voulu par l'union des musulmans est en premier lieu l'union dans la religion et non pas seulement le regroupement ou l'union des corps, sans être sur une même croyance ou une même pratique religieuse. Car certes, l'union des corps, sans celle de la religion et de la croyance, ne sera pas profitable aux musulmans. Alors qu'à l'inverse, l'union de la croyance des musulmans leur sera profitable, et cela même s'ils ne sont pas réunis physiquement. Quant au deuxième des points, il est le fait de savoir que nulle chose ne peut repousser et éloigner la division et la divergence des musulmans, si ce n'est le retour et le fait d'appeler au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque essaie de réunir les musulmans sur autre que cela n'y parviendra pas. Et la voie qu'il emprunte n'est aucunement la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et quel que soit le sujet à propos duquel vous divergez, alors renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela sera meilleur et aura un meilleur aboutissement. Surat An-Nisa, verset numéro 59. Quant au troisième point, il est de savoir que la divergence entre les gens fait partie des décrets divins. Min sunanillahi al-kawniyya, fait partie des décrets divins et fait partie des choses qui se produiront inévitablement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et ils ne cesseront d'être en divergence sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Surat Hud, verset numéro 118. Mais cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants d'accourir aux causes menant à l'union. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de manière universelle que la division sera présente. Et il a ordonné de manière religieuse aux croyants d'accourir aux causes menant à l'union. Cela de par le fait de se cramponner au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de mettre en garde contre tout ce qui peut contredire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu, « Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici que la divergence aura lieu. Et il nous dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam, « Accrochez-vous donc à ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés et prenez garde à toute innovation. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ici cité clairement le remède quant à ces divergences. Cela pour quiconque cherche la vérité, qui est le fait de s'accrocher à sa sunna et celle de ses califes bien guidés, et de prendre garde à toute innovation. Et dans cela, Jean-Lucien Salahimahumullah nous cite qu'il y a une réfutation claire à toute personne qui prétend que le fait de mettre en garde contre les innovations divise. Donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ici une réfutation claire pour toute personne qui prétend que le fait de mettre en garde contre les innovations va diviser les musulmans. Car bien au contraire, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, cela est plutôt une des causes permettant d'être préservé des troubles et de la divergence. Quant au quatrième des points, il est le fait de savoir que la divergence est de deux types. La divergence qu'il peut avoir entre les musulmans, quant au point de vue religieux, est de deux types. Quant au premier type, il est la divergence sur des sujets où il n'est pas permis de faire des efforts d'interprétation, comme ce qui touche à la croyance, ou ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pratique religieuse, ou les sujets sur lesquels les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont aucunement divergé. Et toute personne donc qui diverge sur ces points-là, alors cela ne sera aucunement accepté de lui. Et bien au contraire, il sera sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après le sens du verset, « Et quiconque fait scission du messager, après que la guidée lui soit parvenue, et suit autre que le chemin des croyants, alors nous l'abandonnerons au chemin qu'il a pris et le brûlerons dans l'enfer. » Et quelle mauvaise destination. Alors nous l'abandonnerons au chemin qu'il a choisi, et nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Sourate An-Nisa, verset numéro 115. Quant au deuxième type de divergence, il est la divergence sur des points où il est permis de faire un effort d'interprétation, comme ce qui touche à certaines règles de jurisprudence, ou comme des sujets où la division ou la divergence était déjà présente à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des sujets où la divergence, et non pas la division, où la divergence était déjà présente à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces sujets où la divergence a déjà eu lieu, le croyant ne doit en aucun cas prendre ces sujets-là comme cause menant à la division. Mais, bien au contraire, les savants de l'islam, rahimahumullah, se comportent face à ces sujets-là de manière à ce que chacun trouve une excuse à son confrère, car cette divergence est basée sur un effort d'interprétation fait par des personnes qui sont aptes à cela, qui sont les savants de l'islam, rahimahumullah. Donc à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsque le juge fait un effort d'interprétation et qu'il ajuste, alors il a deux récompenses. Et si jamais il se trompe, alors il aura une récompense. Donc, ce deuxième type de divergence est un point qui était déjà présent à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'a aucunement amené à leur division ou amené à ce qu'il y ait de l'inimité les uns envers les autres. Donc, nous retenons de ce point, de ce fondement cité par l'auteur rahimahullah, qu'il est obligatoire aux musulmans de se réunir sur une seule et même croyance et pratique religieuse, et de délaisser toute forme de division et tout ce qui peut amener à cela. Et de savoir que cela ne peut se concrétiser qu'en s'accrochant fermement au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur rahimahullah passe au troisième fondement, qui est l'écoute et l'obéissance à ceux qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans. Il nous dit rahimahullah: il fait partie de l'union complète, l'écoute et l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement. Et cela, même si celui qui gouverne est un esclave d'Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé ce point par tout type d'arguments, qu'ils soient religieux ou rationnels. Et par la suite, ce fondement est devenu méconnu de la plupart de ceux qui prétendent la science. Que dire donc du fait d'œuvrer avec celui-ci? L'auteur ici, rahimahullah, nous cite le troisième des fondements, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur parmi les musulmans. Un point qui est en réalité une continuité du deuxième fondement, qui est l'union des musulmans. Donc cela, comme l'auteur l'a cité, l'obéissance au gouverneur fait partie de ce qui va concrétiser l'union des musulmans. Donc ce troisième fondement, en réalité, vient compléter le deuxième fondement qui est l'union. Car l'union des musulmans ne peut se faire sans gouverneur, et le gouverneur ne peut être stable sans qu'il y ait d'écoute et d'obéissance à son ordre. Et les preuves qui viennent affirmer ce fondement, cité par l'auteur rahimahullah, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur parmi les musulmans, sont nombreuses. Tant du Coran que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus de l'unanimité des savants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après les sens du verset: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Sourate An-Nisa, verset numéro 59. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous enjoins de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur. Il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim: il est obligatoire pour le musulman d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste, tant que l'on ne lui a pas ordonné de désobéir, tant que l'on ne lui a pas ordonné de désobéir à Allah. Et si on l'ordonne de désobéir à Allah, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré clairement que l'obéissance et l'écoute du gouverneur étaient obligatoires dans ce que le musulman aime ou qu'il déteste, sauf si le gouverneur leur donne d'accomplir un acte qui est interdit. À ce moment-là, il lui est interdit de lui obéir. Mais cela ne veut aucunement dire qu'il doit délaisser l'obéissance dans le reste des points. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: écoute et obéis, et cela même si ton argent est pris de force et que l'on te frappe le dos. C'est-à-dire, même si le gouverneur est injuste. Et les ahadiths à ce sujet sont très nombreux, ainsi que l'unanimité des savants qui a été citée par plusieurs savants de l'islam, parmi eux l'imam al-Bukhari rahimahullah et autres. Et ce point, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur, fait partie, comme le citent les gens de science rahimahumullah, des grands points permettant de distinguer les gens de la sunna des gens de l'innovation. Cela, comme il a été dit par certains salafs: si tu vois une personne faire des invocations pour le gouverneur, alors sache qu'il fait partie des gens de la sunna. Et si tu vois une personne faire des invocations contre le gouverneur, alors sache qu'il fait partie des gens, des adeptes de l'innovation. Donc cela est un des signes qui permet de distinguer les gens de la sunna des gens de l'innovation qui se réunissent quant au fait de sortir contre les gouverneurs. Cela étant dit, il est important de savoir plusieurs points. Premièrement, l'obéissance au gouverneur est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bil ma'ruf. Cette obéissance n'est pas dans ce qui est interdit. Donc, si le gouverneur ordonne de faire une chose qui est interdite, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance. Mais cela ne veut en aucun cas dire que le musulman a le droit à ce moment-là de se rebeller et de délaisser toute forme d'obéissance. Car les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux à démontrer que l'obéissance au gouverneur est obligatoire. Et cela, même s'il est injuste. Cela comme cité précédemment dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Écoute et obéis, et cela, même s'il te prend ton argent et te frappe le dos. » Quant au deuxième point, il est qu'il n'est pas permis de conditionner l'obéissance au gouverneur au fait qu'il donne entièrement au peuple ses droits. Car dans tous les cas, l'obéissance au gouverneur est obligatoire. Et cela, même s'il est injuste. Et même s'il bafoue les droits du peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, « Donnez-lui ses droits et demandez les vôtres à Allah. » Donnez-lui ses droits et demandez les vôtres à Allah. Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez de vos gouverneurs une chose que vous détestez, alors détestez son œuvre et ne délaissez pas son obéissance. Al-Hadith rapporté par l'imam muslim. Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam, patientez jusqu'à me rencontrer au bassin. Donc le musulman patiente face à l'injustice qui peut être faite par son gouverneur, tout en faisant les causes légiférées menant à la réforme. Comme le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le réforme, ou bien de le conseiller en privé pour celui qui en a la capacité. Mais en aucun cas, il emprunte les chemins des gens de l'innovation, comme le fait de pousser à la révolte, ou le fait de le dénigrer en public, ou autre chose menant à la rébellion et la révolte. Et il se rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, « Et il n'appartient à aucun croyant et aucune croyante lorsqu'Allah et son messager ont donné un ordre d'en avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager se sera égaré d'un égarement lointain. » Sourate Al-Ahzab, verset numéro 36. Donc, le musulman obéit au gouverneur parmi les musulmans et il sait qu'il fait cela par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers cela, il est la cause permettant de concrétiser un profit qui sera général pour tous les musulmans, ce qui poussera à l'union des musulmans et les mettra à l'abri des maux pouvant provenir de leurs ennemis. Cela étant dit, nous concluons notre lecture d'aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par ce troisième point, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala aide et assistance et qu'il nous accorde une science profitable. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.